émission qui rassure, avec Lady Pons. Et ça, c'est sûr. Le tour est joué. L'homme, le bas ventre, le ventre. Le compte est réglé. Eh, voyez ma chamacade, bientôt. Voyez ma chamacade, passé. Voyez ma chamacade, bingé. Voyez ma chamacade, bingé. Aboga ma lingue, c'est mon gemme. Aboga ma lingue, c'est mon gemme. Eh, manoua ma pauvre, mon wafane. Manoua ma boîte, mon wétang. Manoua ma chiffre, mon wafane. Le tour est joué. L'homme, le bas ventre, le ventre. le compte est réglé. L'homme, le ventre, le bavant, le tour est joué. L'homme, le bas ventre, le ventre, le compte est réglé. Banwa ka shipa mo kwa mbae, banwa wa kote maswati.